Chapitre 8e. Antoine avait écouté la fin de ce discours, sans laisser échapper une seule interruption, avec un visage sombre sur lequel la surprise se mêlait à une profonde contrariété. Quand le colonel se tut en lui tendant les deux mains, il laissa tomber ses bras le long de son corps par un geste désespéré. « Vous voulez prendre Thérèse pour femme ? » s'écria-t-il, « vous ?» Il avait prononcé ces quelques mots comme s'il se les adressait à lui-même, pour se préciser une idée confuse que son esprit refusait d'admettre. « Je l'aime. Vous l'aimez. » Le colonel, un homme qui ne se sent pas la conscience nette, avait glissé rapidement sur les explications destinées à faire comprendre pourquoi et comment il s'était éloigné de Thérèse. Il crut que c'était à cette explication que répondait l'exclamation de son oncle qui n'admettait pas cet amour. « Vous ne croyez pas à mon amour pour Thérèse ? » demanda-t-il. « Je ne dis pas cela. Ne trouvez-vous pas que je puis la rendre heureuse ? Mon cher Édouard, j'ai pour vous autant d'estime que d'amitié. Vous êtes le meilleur cœur, le caractère le plus loyal et le plus droit que je connaisse. À mes yeux, vous n'avez qu'un défaut, votre fortune. » Le colonel se mit à sourire. « Ce défaut est grave pour moi, ne riez pas. Avec mes idées, vous devez comprendre, sans qu'il soit besoin d'explication, que la grande fortune m'éloigne d'un homme au lieu de me rapprocher de lui. Je comprendrais cela s'il s'agissait d'une fortune dont l'acquisition aurait abaissé mon caractère ou tué mon honnêteté. Mais ce n'est pas là mon cas, vous le savez bien. Je ne pense pas à l'acquisition de cette fortune, je pense à son usage. Je pense à la position qu'elle vous donne dans le monde. Ma position sera la vôtre. Si mon père a désiré ce mariage, c'est qu'il a considéré que c'était le seul moyen pratique de nous faire partager cette fortune, et je me conforme à ses idées en vous disant que ma position sera la vôtre, par cela seul que ma fortune sera la vôtre. Croyez bien que mon intention n'est pas de me marier avec Thérèse sous le régime de la séparation de biens. Je veux entre nous une union complète, union dans la vie, dans les sentiments aussi bien que dans les choses matérielles, c'est-à-dire dans la fortune. Il me semble que plus d'une fois, vous avez dû désirer la fortune pour l'application de vos idées et l'organisation pratique de vos projets. Cette fortune, je vous l'apporte. » Antoine étendit ses deux bras en avant et détourna la tête, comme pour repousser et ne pas voir cette fortune à portée devant lui. « Il ne s'agit pas de cette fortune, dit-il, et j'avoue même que ce n'est point elle qui pèse sur ma détermination. Car vous n'êtes point un riche comme il y en a tant. Et bien que, dans nos situations respectives, votre fortune soit un obstacle à un mariage entre une fille telle que Thérèse et un homme tel que vous, ce n'est point elle qui me fait vous répondre que ce mariage est impossible. Impossible ? Avez-vous donc oublié que Thérèse n'est pas libre ? Michel ? Michel a ma parole. Il a la parole de Thérèse elle-même. Michel, lorsque vous avez pris cet engagement, pouvait se marier. Aujourd'hui, il ne le peut pas. Cet engagement n'existe non plus. Antoine secoua la tête à plusieurs reprises. « Quand vous avez arrangé ce mariage, dit vivement le colonel, vous vouliez, n'est-ce pas, assurer l'avenir de Thérèse, c'est-à-dire ne pas la laisser seule en ce monde pour le cas où vous viendriez à disparaître. C'est au moins ce que vous m'avez expliqué. » Cette raison était une de celles qui me faisait presser ce mariage. C'était la principale. Vous vouliez une assurance. Vous vouliez, ce que je comprends parfaitement, un résultat immédiat. Est-ce vrai? Sans doute. Enfin, vous vouliez pouvoir risquer librement votre vie, quand il le faudrait, sans avoir souci de votre fille, que vous laissiez derrière vous, et qui alors ne restait pas seule. Certainement. J'ai si bien senti toute la force de cette raison, que je ne vous ai pas dit alors, attendez. Vous m'avez demandé d'être votre avocat auprès de Thérèse, qui ne voulait pas consentir à ce mariage, et bien que l'aimant, j'ai accepté ce rôle terrible de plaider la cause d'un rival, qui m'a convaincu, ou plutôt entraîné, cette raison d'un mariage immédiat. Croyez-vous, mon oncle, que j'ai usé de toute l'influence que je pouvais avoir sur Thérèse pour lui arracher un consentement qu'elle ne voulait pas donner? Dites-le, croyez-vous? Je le crois, mais j'étais loin de connaître vos vrais sentiments. Je ne vous reproche pas d'avoir réclamé mon concours, et si je vous rappelle dans quelles conditions je vous l'ai donné, c'est pour que vous compreniez bien à quelles considérations j'ai cédé. Un mariage certain dans un délai rapproché. Mais aujourd'hui, ce mariage ne peut plus avoir lieu. « Michel est condamné à 15 années d'emprisonnement, et vous ne voudrez pas, je pense, que Thérèse attende 15 années pour se marier. D'ailleurs, la raison qui vous avait fait rechercher ce mariage n'existe plus. Michel ne peut pas protéger Thérèse. Si elle vous perd, Et si cette raison était pour vous toute puissante il y a quelques mois, combien aujourd'hui doit-elle être plus forte? Il y a quelques mois, nous étions dans une situation calme et les chances que vous pouviez avoir de risquer votre vie étaient bien faibles. Aujourd'hui, nous sommes dans la situation la plus critique que la France ait traversée depuis la Grande Révolution. Et les chances pour un homme tel que vous de se faire tuer soit par une balle française, soit par une balle ennemie, sont si nombreuses que mon amitié ne peut les envisager sans frémir. Que deviendrait Thérèse? Dans tout ce que vous dites, il n'y a qu'une chose que vous oubliez. Laquelle? Mon engagement vers Michel. Oui ou non, lui ai-je promis ma fille? Vous aviez promis votre fille à un homme qui pouvait l'épouser. Et Michel n'est plus cet homme. M'a-t-il dégagé? Sa condamnation vous dégage. Vous trouveriez-vous engagé s'il était mort? Non, n'est-ce pas? Eh bien, il est mort, au moins pour le mariage. 15 années, n'est-ce pas la mort? La situation dans laquelle vous vous trouvez trouble votre esprit, ordinairement si juste, mon cher Édouard. Et jamais, j'en suis certain, vous n'auriez tenu un pareil langage si votre tendresse, si votre amour ne vous avait pas entraîné. Vous trouvez que je suis dégagé de ma parole par cette condamnation. Vous pensez que je puis trahir la foi que cet homme a en moi? Non, vous ne le pensez pas, car j'en suis certain qu'on interroge Michel, et il vous répondra qu'il n'a jamais douté de ma parole et qu'il compte sur mon engagement. Michel est un homme de cœur, il vous le rendra, cet engagement, et je ne crois pas qu'il consente jamais à exiger sa rigoureuse exécution. Je ne sais pas ce que pense Michel, ni ce qu'il fera, mais moi je sais que je ne manquerai jamais à ma parole. Je suis engagé avec Michel, je resterai engagé jusqu'au jour où il me rendra ma liberté, s'il me la rend. Et il vous la rendra. Je ne la lui demanderai certes pas, mais moi, je la lui demanderai. Thérèse la lui demandera. N'oubliez pas que ces 15 années dont vous parlez peuvent ne pas durer 15 jours. Qui sait ce qu'il va advenir de l'Empire? S'il s'écroule dans cette catastrophe, les portes de la prison de Michel s'ouvriront, et alors il pourra venir réclamer l'exécution de l'engagement que Thérèse et moi avons pris envers lui. C'est la fin de l'année courante qui a été fixée par Thérèse elle-même, pour l'époque de son mariage, et il n'est pas du tout impossible qu'avant cette époque Michel soit sorti de prison. Cela ni vous ni moi ne pouvons le savoir. Le colonel se leva, et silencieusement les bras croisés sur la poitrine, il fit plusieurs fois le tour de la bibliothèque à grands pas, puis revenant se placer devant Antoine et lui prenant les deux mains. « Mon oncle, vous avez parlé en homme de cœur. Oubliez ce que je vous ai dit. J'étais entraîné. J'ai subi l'influence du sentiment qui me domine et qui m'a aveuglé. Je n'ai pensé qu'à Thérèse. Vous m'avez rappelé à la justice. Évidemment, nous ne pouvons, ni vous ni moi, savoir ce qui va se passer. Ou Michel restera en prison, ou il recouvrera la liberté. S'il reste en prison, j'irai m'expliquer avec lui. S'il redevient libre, eh bien Thérèse prononcera entre nous deux. Ce sera une lutte dans laquelle il aura pour lui la parole donnée et dans laquelle j'aurai mon amour. Nous verrons qui des deux l'emportera. Un mot seulement. Si vous n'étiez pas engagé avec Michel, me donneriez-vous Thérèse? Oh, mon cher Édouard! S'écria Antoine en prenant le colonel dans ses bras. Oh, mon cher fils! Eh bien, ce mot que votre cœur prononce suffit. Attendons. Je vous jure que jusqu'au jour où vous m'en donnerez la permission, je ne parlerai pas de mon amour à Thérèse et qu'elle n'entendra pas de ma bouche d'autres paroles que celles que peut dire un ami, un cousin, un frère. Vous avez confiance en moi, n'est-ce pas, mon oncle? N'est-ce pas, mon père? Pleine confiance, mon fils. Et s'étant en même temps tendu les deux mains, ils se les étreignirent fortement. Maintenant, mon oncle, regagnez doucement votre chambre pour que Thérèse ne se demande pas ce que nous avons pu nous dire dans ce long entretien. À demain.